confidente de Brigitte Tornaz, de Camille Collère. 25e épisode. Les travaux, on sait quand ça commence, mais on sait pas trop quand ça finit. Alors, après avoir trouvé la maison de nos rêves et négocié un prêt avec la banque, on a attaqué le dossier travaux. L'avantage avec les travaux, c'est que tout le monde a une approche différente, mais globalement le même avis. Les travaux, on sait quand ça commence. Et voilà. Et c'est tout à l'égout ? Comment vous avez fait, là ? Je sais pas. Ça, faut demander à Paul. Moi, Bon, à part ça, maman, t'en penses quoi, là ? T'as rien dit ? Bah, c'est un peu poussiéreux, hein. Bah, c'est un chantier. Oui, c'est sûr. Mais je me verrais pas vivre là. Déjà, tu as du mal à gérer tes quatre enfants. Là, je te plains, hein. Parce que t'es pas sortie de l'auberge. Ouais, enfin, ça va pas durer une éternité non plus. Oh, tu sais, Brigitte, les travaux, on sait quand ça commence. Mais pas quand ça finit. Ok, merci maman. Il y a eu la version de mon père, moins frontale. Oh, bah c'est bien. T'es contente ? Bah ouais. Tant mieux. Là, le carrelage, vous allez le faire sauter, non ? Ah non, là, on vient de le faire poser, hein. C'est la gamme rétro. Ah bon, c'est bien. Et vous emménagez quand ? Normalement, dans un mois, ça te paraît jouable avec ce qu'il reste à faire ? Oh là, Gigitte, pas me demander ça, hein. Ouais, les travaux, on sait quand ça commence, mais bon, hein, tu vois. Mon frère a fait preuve de compréhension, comme souvent. Putain, Brigitte, maman me dit qu'elle garde encore tes gosses samedi et qu'elle peut pas prendre les miens. Bah, excuse-moi, Benoît, mais on est en plein travaux, là. Putain, mais ouais, mais tu fais chier, ok, hein. Tout le monde a des problèmes, hein. T'es pas toute seule à galérer. Lucie et Côme ont le droit de venir voir leurs grands-parents au même titre que tes gamins. Mais ça va, arrête, s'il te plaît. Maman me les garde deux samedis d'affilée parce qu'on va chercher du carrelage, tu peux comprendre aussi. Ouais, ouais, ouais, bah, moi, ce que je comprends aussi, surtout, c'est que les travaux, on sait quand ça commence et on, hein, tu me suis ? Et en attendant, je peux me démerder. Parce qu'à mon avis, dans 6 mois, c'est le même cirque. Si. Et quant à Violette, la mère de Paul, bah, elle a été fidèle à elle-même. Et voilà. Oh, donc, mon bonnechon, vous allez être comme des coques en pâte ici. Et dis-moi, c'est qui là-bas, le grand type costaud, là ? Ah, ça, c'est Jean-Patrick, c'est notre entrepreneur. Oh, là, il est pas mal, dis donc. Oh, maman. Tu me présentes ? Non, maman, arrête, hein, tu vas. Oh, mais quoi ? Tiens, bonjour. Je sais pas si on se connaît. Je m'appelle Violette, je suis de la famille de Paul. Enfin, c'est ma mère, quoi. C'est... Ah, enchantée Violette. J'ai les mains pleines de mastic. Alors, comme ça, vous faites un petit tour. Oui. C'est pas mal, hein. Oh là là, vous avez de l'or dans les doigts, Jean-Patrick. Je suis content, oui. Ouais, c'est formidable de savoir retaper une maison comme ça. Paul, c'est un intellectuel, il sait rien faire de ses mains. Mais maman, c'est bon, là, ça va. Et vous allez travailler ici combien de temps ? Bon, là, vous savez, Violette, les travaux, on sait quand ça commence, on sait jamais quand ça finit. Je vous ai pas montré la charpente. Ah oui. Évidemment, quand c'est l'entrepreneur qui commence à tenir ce discours, on sait que globalement, on va pas être dans les temps. Surtout qu'avec Jean-Patrick, on a touché le gros lot. C'est Paul qui l'a choisi parce qu'il trouvait qu'il avait une conception très novatrice de la conduite de chantier. Déjà, le nom de sa boîte en dit long. NST. No Stress Travaux. Bonsoir, ma puce. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je prépare un rétro-planning pour la réunion de chantier. Un quoi ? Un rétro-planning ? Ouh lolo. Bah, Jean-Patrick va faire une attaque. Ah non, je te rassure, vu son rythme, ça m'étonnerait qu'il risque une attaque. Bon, Paul, je pense qu'on a fait une erreur avec lui. C'est un charlot, ce mec. Ah non, pas du tout. Moi, je le sens hyper bien. Attends, je te rappelle pourquoi tu le trouves génial. Juste parce qu'il t'a dit qu'il avait tous les vieux albums de Led Zeppelin en 33 tours. Alors là, tu parles d'un critère. Mais non, c'est un type qui a une vraie conception du métier, Brigitte. Je vote pas à gauche pour avoir des gars au noir sur mon chantier qui bossent comme des damnés. Lui, il a un côté cool, tu vois. C'est pas un esclavagiste. Ouais, ça, c'est sûr qu'il est cool, hein. Je suis passée hier, il faisait de la méditation. Tu crois ça ? De la méditation. Et ? De la méditation sur un chantier, Paul. Assis en tailleur entre le tas de sable et la bétonnière, j'ai complètement halluciné. Ouais, bah si ça l'aide à mieux bosser, où est le problème ? Mais le problème, c'est que conduire un chantier, c'est pas chanter Oh mani padme hum, là. Je veux dire, il faut des gros bras, quoi. Un sandwich au sauciflard à 8h du mat, du café bien corsé, et après, ça déménage toute la journée, quoi. Ça casse, ça pioche, ça fait du ciment, de l'enduit, ça bosse, merde ! Ah oui, alors toi, fouetter les équipes, ça te parle, hein. Payer les gars au noir, les faire travailler le dimanche. Ah bah bravo, Brigitte, hein, ça, c'est une vision très sociale du travail. Je te connaissais pas sous ce jour-là, hein, ma chérie. Faut pas que tu postules à la présidence du MEDEF, mais toi. Mais tu plaisantes, là, j'espère. Moi, je te dis que Jean-Patrick, il en fout pas une ramée. Eh ben, vas-y, alors qu'est-ce que tu lui reproches, à part la méditation? Alors, bah tiens, par exemple, ça te choque pas que le type, il se pointe en tongue? Oh, mais Brigitte, mais t'es excellente, toi. Hein, tu veux convoquer Jean-Patrick pour lui dire que les tongs, ça va pas être possible, monsieur. Elle est très bonne, celle-là. Mais c'est révélateur de son attitude, non? Les mecs sur les chantiers, ils sont pas en tongs. Ouais, alors Jean-Patrick, il faudrait retirer les tongs, là, parce que ma femme veut bien lâcher du lest, mais les tongs, là, elle est vraiment pas d'accord. Non, hein. Tu vois bien ce que je veux dire. Ah, et détends-toi, ma puce, on va lui acheter des espadrilles, tout va rouler, hein? Tu t'arrêtes à des détails, toi. Mais qu'est-ce que t'es rigide, des fois, mais Brigitte? Paul, on parle parpaing, ciment et poutre IPN. Un chantier, c'est le royaume de la rigidité, quoi. Ça a un début, une fin, au milieu, ça turbine. Non, alors je t'arrête tout de suite, hein. Tu sais ce qu'on dit des travaux? On sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. Donc je serai toi, j'essaierai d'être un petit peu plus souple dans mes rapports avec les gens, y compris avec mon entrepreneur. Pardon? Oui, parfaitement, parce que si on finit par avoir une grève, tu viendras pas te plaindre. Et figure-toi que ça nous pend au nez parce qu'avec tes méthodes, là, on est en plein germinal. Brigitte, il faut savoir faire preuve de souplesse dans le dialogue social, surtout sur un chantier. Au final, Paul avait pas tort. Mieux vaut faire preuve de souplesse parce que Jean-Patrick nous a effectivement lâchés pour surmenage 2 semaines avant la fin du chantier. Du coup, le vieux dicton s'est vérifié. On sait quand les travaux commencent, mais pas quand ils finissent, surtout quand il faut tout finir soi-même. Mais heureusement, Paul est souple. Hein, Paul ? C'était... La vie trépidante de Brigitte Tornade. De Camille Collère. Avec... Éléonore Jonquet, Yannick Chouara, Françoise Lebrun, Philippe Duquesne, Fanny Cotenson, Laurent Ferraro et Elios Noël. Remerciements à... Élodie Fiat. Bruitage. Sophie Bissante. Conseillère littéraire... Céline Geoffroy. Prise de son. Montage. Mixage. Pierre Mine et Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation. Lise-Marie Barré. Réalisation. Cédric aussi.